le meilleur de la scène blues, se donne rendez-vous dans le Blues Café. Avec Cédric Vernet et Francis Ratto, l'émission concert en public au Millennium de l'île d'Abo. 100% blues. Bonsoir à tous et bienvenue dans le Blues Café en live et en public. Francis, une fois n'est pas coutume, nous recevons ce soir un groupe auvergnat. Oui, c'est une fois n'est pas coutume. Il faut croire qu'il y a toujours des volcans en éruption sur les terres du blues en Auvergne, car après les Marshalls que nous avions reçus avant les fêtes, voici un quartet dont les riffs sont nourris de lave incandescente et qui va faire gronder le Blues Café. Et oui, Francis, ils sont quatre musiciens issus de la scène auvergnate et ils se nomment The Strikers, un nom qui, nous l'espérons, ne préfigurera pas une grève soudaine ce soir. En tout cas, ce quartet répand une belle énergie sur les terres du blues et du rock. Mesdames et messieurs, sur la scène du Blues Café, vous pouvez faire un triomphe à Jean-Christophe Sutter au chant et à la guitare. Éric Courrier à la basse. Julien Bories au clavier. Et Jocelyn Hazard à la batterie. Ladies and gentlemen, The Strikers! Yeah. faces. I saw that you turn and walk away. And I, Lord, is bringing me on down. And I will catch the next train, but I move on down the line. Come on! Train pulls in, and I'll be ready now. Yeah, be ready when my train pulls in. My time ain't long here, but I. My time ain't long here, but I. I won't live this life again. All right. C'est leur presque première fois au Blues Café Live. Vous allez comprendre pourquoi je dis presque. Les Strikers sont ce soir sur la scène du Millennium. Nous sommes, Francis, à l'île d'Abo. Exactement. Et on va demander à Eric et Jean-Christophe de venir nous rejoindre. Jean-Christophe et Eric. Jean-Christophe, tu ouvres le bal des questions. Mais je ne sais pas pourquoi, il nous semble bien t'avoir déjà vu quelque part. Ne serait-ce pas une histoire de petite souris, par exemple ? Oui, je crois bien que c'est ça, ouais. De souris et de chats, c'est ça ? Oui, c'est ça. Des chats affamés, même. Hein. Ouais, on fait partie, Eric et moi, du groupe Little Mouse and Hungry Cats. Donc effectivement, jusque-là, la souris est toujours encore en vie. Mais à un moment donné, les chats ont décidé, en tout cas deux des chats ont décidé de monter un petit truc à côté. Parce que voilà, on aime bien aussi faire des petits trucs en solo, des petites aventures entre matous. Justement, pourquoi avoir monté ce groupe The Strikers ? Et qu'est-ce que le groupe précédent ne vous permettait pas de faire, que vous pouvez faire aujourd'hui ? C'était une opportunité, en fait, dans le set de Little Mouse and the Hungry Cats. Il y a une partie où Jean-Christophe chante et où la petite souris, pendant ce temps, va se changer dans les loges, mettre une nouvelle tenue, se remaquiller, se recoiffer, etc. Et donc cette partie-là a beaucoup plu à beaucoup d'organisateurs. Là, c'est quelques morceaux qu'on faisait avec Jean-Christophe au chant qui a une voix complètement différente de Claire. En fait. Alors, elle n'aurait pas dû aller se remaquiller, en fait. Non. Et du coup, on nous disait, mais pourquoi vous ne faites pas quelque chose tous les quatre, quoi. Et puis, l'idée est... C'est vrai que c'est la jeunesse du truc des Strikers, c'est vraiment là, ouais. Vrai que je t'avais vu au tremplin blues français à Dijon. Ah oui, au challenge. Et j'avais été effectivement assez frappé par ta voix, puisqu'on avait plutôt tendance à se focaliser sur celle de Claire, effectivement. C'est une façon aussi pour toi, du coup, t'extérioriser beaucoup plus qu'avec l'autre groupe. Ouais, avec Little Mouse, je compose une grosse partie des morceaux et je participe toujours au travail du chant avec Claire, etc. Mais là, c'était l'opportunité. Moi, j'adore chanter. C'est vraiment un truc que je fais depuis toujours. J'avais toujours eu des groupes où j'étais chant lead. Et c'est vrai qu'à un moment donné, ça manque un peu de pouvoir prendre ce lead et de construire un projet autour de ça, en fait. Voilà. D'autant que tu enseignes toi-même la musique à ton compte, si j'ai bien compris, non ? Ouais, en fait, j'interviens un petit peu partout. En fait, j'ai des classes CHAM auprès desquelles j'interviens. Donc, les classes CHAM, c'est les classes à horaires aménagées musique. Et donc, du coup, c'est l'équivalent du sport-études, en fait. Donc, j'enseigne avec eux. Et évidemment, dans ces heures de CHAM, il y a tout plein d'heures de chorale et tout ça. Moi, j'adore tout ce qui est le travail autour de la voix. Je trouve que c'est vraiment le premier instrument. C'est un truc. C'est peut-être grâce à la voix que je suis venu à la musique. Et du coup, mes grands-parents chantaient tout le temps, etc. Et donc, du coup, pour moi, c'est important de retrouver un projet où je peux construire des morceaux autour de ma voix, quoi. C'est pas une question d'ego, c'est juste une question de plaisir, en fait. Alors, The Strikers, c'est un truc de prof, hein, je crois, parce que Julien Boriès, qui est au clavier, lui aussi enseigne, mais lui, c'est le piano aussi, dans pas mal d'écoles. Faut être prof, c'est ça ? Faut avoir sa carte au syndicat pour rentrer dans le groupe ? On n'est pas comme ça, on n'est pas communautaire. Oh, je suis pas du tout prof, moi. Non, on a un vrai intermittent, là. Et on a un vrai intermittent, la batterie. Non, Julien, il partage sa vie entre l'Auvergne, qui est sa terre natale, et Paris, où il enseigne... un petit peu partout, donc du coup c'est sympa. Un peu le grand écart, hein, l'Auvergne et Paris. Carrément, lui c'est la vie city pendant toute la semaine et le week-end c'est les plaines c'est les montagnes du Livradois. Alors il y a le quatrième, Jocelyn Hazard. Alors lui il est complètement mouillé dans le jazz, le rock et la chanson française, hein. C'est ça ? Ça fait pas mal d'obstacles pour rejoindre les Strikers. Jocelyn, on l'avait recruté, le batteur de Little Mouse l'année dernière nous a voulu arrêter. Et donc il a eu la gentillesse de faire 7 dates avec nous au mois de juin sur des gros festivals, etc. C'est un copain de longue date, en fait. Moi, je le connais depuis très longtemps, Jocelyn. Et c'était génial. Donc, dans les Strikers, il s'est imposé, quoi. La complicité, d'ailleurs, c'est important. J'ai l'impression, entre vous, vous avez l'air d'être une belle bande de potes, en fait. Ouais. Je pense que c'est le... C'est là où il nous dit non, on est mal, Francis. Ouais. Non, on s'entend pas du tout, on fait semblant. Hein. Non, c'est le maître mot. Je pense que c'est pareil dans Little Mouse. C'est pareil ici. Je pense que l'important, c'est déjà d'être avec des gens et quitter bien. Quoi. Pour faire la musique que t'aimes, c'est super important. Sinon, c'est pas possible. On parle du mot Strikers, mais pour vous, comment vous allez le traduire exactement ? Est-ce que c'est une histoire de gréviste, de joueur de soccer ou de cricket ? Je crois que ça s'appelle aussi comme ça. Hein. Et même, je crois que c'est le surnom d'un maître chanteur en politique. Mais ça doit être ça, hein, j'ai l'impression. Non. Pourquoi les Strikers, le nom ? Pourquoi ? Parce qu'on cherchait tout un pack. C'est toujours la guerre de chercher. C'est claquant, ça claque quand tu... Ouais, c'est ça. Et en fait... Il n'y a pas de signification politique parce qu'on ne s'engage pas sur ce terrain-là. Il n'y a pas de signification incroyable derrière, c'est juste le nom claque, et puis en même temps il y a ce côté un peu les mecs qui refusent de faire des trucs, qui refusent de se conformer à certaines règles. J'aime bien, c'est ouais, rigolo. Exactement, d'ailleurs si on n'a pas 200 balles chacun en plus, on arrête. Voilà, vous êtes au courant, il n'y aura pas d'autres morceaux. Voilà. Eric, tiens, puisque tu as pris le... Merci Francis. Tu as pris le micro, garde-le. Eric, tu es donc le bassiste dans ce groupe, mais pas que, tu bookes aussi les Strikers, parce que tu as une on va dire, une société de booking. Oui. Tu peux nous en parler un petit peu, parce qu'on se connaît aussi beaucoup grâce à ça, depuis très longtemps. Ouais, je fais du booking aussi, parce que je connais un peu le milieu, et c'est un autre métier, le booking, et le management, mais donc je fais un peu de basse, je fais ça, et c'est... Et tu fais pas que ça, parce que tu as joué, on sait bon que tu joues avec Little Mouse, bien sûr, mais avec d'autres formations. Voilà. On va en citer quelques-unes. Aurélien Moreau, peut-être d'autres si elles existent encore. Les Night's Cats. Qui n'existent plus. Qui n'existent plus. Le Devil's Grub. Ça, je ne les connaissais pas. Ça n'existe plus. Et jadis avec Jeff Toto même. Jeff Toto, oui. Il existe encore. Lui, il existe encore. Il existe encore. Il est encore là. D'ailleurs, on parlait de booking. Vous venez dans le Blues Café, vous n'avez pas sorti d'album encore. Comment c'est ça grave, se passe quand on n'a pas sorti d'album, justement, pour le booking? Vous arrivez quand même. Vous surfez un peu sur la notoriété de Little Mouse and the Hungry Cats, j'imagine. Oui, en fait, qu'on a décidé de monter cette formation, et puis on s'est dit, il nous faut du son, des images, donc on a vite enregistré quelques titres et fait un clip qui a tout de suite fonctionné, et on a fait du booking tout de suite après qui a fonctionné sans forcément un album. L'année dernière, on a passé une grosse année, donc avec Little Mouse, on a pas eu le temps de vraiment rebooker pour les Strikers, mais là, c'est bien reparti pour faire pas mal de concerts. Et avec le projet de sortir un petit EP, il va y avoir un EP 4 titres, 5 titres qui va sortir dans, je pense, au printemps, un truc comme ça, avec les Strikers. On a hâte, alors. Alors, avant de vous laisser la place sur la scène, je voulais juste revenir un peu avec toi, Eric, parce qu'on a nommé quelques-uns de tes talents. Ça ne veut pas dire que toi, tu n'en as pas, Jean-Christophe, bien sûr. Hein. Mais il y en a un aussi qui est peut-être un peu plus discret, c'est que tu peins, tu fais de la peinture. Alors, pas de la peinture, je sais bien que tu dois refaire les murs, etc., mais là, ce n'est pas le cas. C'est de la vraie peinture. Et on a été voir. C'est très abstrait. Oui. Très abstrait, très coloré, volcanique peut-être, pour l'Auvergne. En tout cas, ça nous a bien plu. En fait, ça fait maintenant presque 10 ans que j'ai plus le temps de peindre parce que je suis pas mal en tournée et en concert. Mais oui, c'est quelque chose que j'ai en moi. J'ai beaucoup peint, j'ai fait pas mal d'expos. J'ai gagné des prix aussi avec ça. Et je pense que dès que je vais avoir un peu plus de temps, je vais me remettre à peindre. Ouais. Parce qu'en fait, la peinture, c'est comme la musique, ça vient de l'intérieur. On exprime des choses qui sont à l'intérieur. Et moi, c'est ce qui me plaît dans le blues, c'est que c'est pas une musique à arrêter où on recopie exactement la même chose. C'est des choses qui viennent de l'intérieur et qui continuent d'évoluer en permanence. Et je pense que la musique, c'est ça aussi. Alors, Eric, Jean-Christophe, il arrive que des gens nous appellent dans le Blues Café et on n'a pas toujours très disponible pour répondre. Donc, on a des gens qui nous laissent des messages sur le répondeur du Blues Café. Et il se trouve qu'il y a quelqu'un qui nous a envoyé une question pour vous. Et je vous propose tout de suite de l'écouter. Vous avez un nouveau message. Salut les Strikers, j'espère que vous allez bien. Bon, j'ai une petite question quand même. Il paraît que votre batteur, il est fan de karaoké et que quand vous partez en concert, ça chante pas mal sur la route. Alors moi, je voulais savoir si pour venir au Blues Café Live, vous aviez chanté. Et si oui, quelle chanson ? Pour rappeler, tapez 5. Pour effacer, tapez 2. Coquine. Francky Vincent, je crois, non ? Alors peut-être que pour les auditeurs et les spectateurs, il faut peut-être dire de qui il s'agit. Là. Oui. Il s'agit de Claire qui est... Aka Little Mouse, donc du coup. Ouais, c'est vrai que Jocelyn, qui est un copain de longue date, est un grand fan de karaoké, donc le batteur des Strikers. Et cet été, quand il nous a dépanné avec Little Mouse, quand on était dans une période de transition, tout ça, on a fait quelques soirées absolument incroyables, quelques nuits blanches incroyables autour de grands succès de la chanson française et internationale, on va dire ça comme ça. Après, on n'est pas forcément obligé d'aller beaucoup plus loin, je pense. Non, absolument voilà. Pas. Et on va peut-être même maintenant vous écouter. Mais est-ce que vous saviez que chez Francky Vincent, dans son morceau le plus célèbre, il y a une partie de yodel? Ah bah je vais... Il y a la la la. C'est ce que tu vas nous faire maintenant? Ouais, c'est tout à fait ça. Et peut-être qu'on aura droit à une reprise de Francky Vincent sur le prochain EP des Strikers. En tout cas, on prie pour qu'il ne le fasse pas ce soir. Les Strikers sont sur la scène du Blues Café Live. Francky Vincent, on l'a pas pris. tea. So early in the morning, why this blues is so heavy on my head? Gotta lose this blues. But Lord, I always seems to fail. I miss my no sunshine, a woman built like you can believe. Miss Mother Sunshine, a woman do like you can believe. No, you can't believe. And me, I start believing on my blues she will relieve. Gave me a smile that I took as a yes. And when I asked for a number, she said, no, daddy, not yet. So I took a first take and some ice cream too. And when the meal was over, she said, that's it for you. But now I'm back to the blues. People, it's getting later in the day. Come evening time, and you know I wanna play. Play for me. Thank you. miss me on air. Some these days we're going nowhere. Some these days, baby, some these days. Some these days it's gonna be too late. We ain't gonna live together. Please just stay away. Some these days we just fade away. Some these days I'm going away. Some these days, baby, some these days. Some these days it's gonna be too late. Just for you. Some these days, baby, some these days. Some these days it's gonna be too late. We ain't gonna live together. Please just stay away. I said we ain't gonna live together. Please just stay away, baby. We ain't gonna live together. Please just stay away. Vous êtes bien dans le Blues Café. Et nous aussi, on est bien dans le Blues Café, d'ailleurs. On est ici au Millennium, comme à notre habitude. Alors, je dis comme à notre habitude, mais de temps en temps, il nous arrive aussi d'aller ailleurs, dans d'autres festivals. C'est notamment le cas du festival Sales Blues Festival. Et nous avons avec nous, pour en parler, Laure. Bonsoir, Laure. Bonsoir, merci Laure. Encore de l'invitation, comme chaque année. Oui, le Sales Blues Festival, c'est un très grand moment dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ben, c'est un des plus vieux festivals de blues de France. On a fêté les 35 ans du festival l'année dernière. Et avant d'être un festival, c'était même une nuit du blues à Salaise. Donc on fête pratiquement 40 ans de blues à Salaise-sur-Seine. Tu les fais pas. Je sais, c'est gentil, merci. Alors, est-ce que tu peux nous resituer un petit peu, bah déjà à Salaise-sur-Seine, et puis les dates du festival, le concept, un peu ce que vous avez envie de faire passer à travers ce festival? Alors Salaise, c'est un tout petit peu loin d'ici. On est plus côté pays roussillonnais, un peu au-delà de Vienne. Mmh. Donc c'est pas trop trop loin non plus. Donc venez tous d'ailleurs. Et mais ils viennent tous. Les grandes dates du festival, ça sera les 5 et 6 avril prochains, avec une nouveauté dont on va parler après, mais ça démarrera dès le jeudi soir, le jeudi 4. Mais le festival de blues, c'est pas que des soirées payantes, c'est beaucoup de choses autour qui vont démarrer cette année le 15 mars, avec ce que nous on appelle les blues and bars, avec des groupes qui vont jouer dans les bars de la région pour annoncer le festival. Il y a les blues and bars, comme tu dis, mais il y a aussi une école, enfin, de, comment on blues appelle on des, stage. Les blues, blues on stage. Stage, voilà, je cherchais le mot. Exactement, ouais. On a des stages de blues avec deux musiciens, des stages de guitare et voix, avec Alain et Gérard Védèche. Et donc, ces blues on stage valorisent tout le travail du stage. Ça sera le 6 avril. Les niveaux 1 valorisent à la médiathèque de Salaise. Par contre, les niveaux 2, c'est gros challenge. Ils sont sur scène avec les artistes pour ouvrir la soirée du 6 avril. Alors, avant de parler des deux grosses soirées payantes et de la programmation, il y a quand même une troisième soirée cette année. Tout à fait. C'est donc tout à fait particulier puisqu'il y a le challenge français organisé par la Fédération française de blues, France Blues. Exactement. Pour choisir des groupes qui iront représenter la France aux États-Unis à Memphis et puis au challenge européen qui tourne chaque année dans un pays différent. Hein. Et cette fois-ci, c'est à Salaise. Oui, c'est la première fois que ça se déroulera à Salaise et on est ravis d'accueillir ce challenge. On nous a fait la proposition cet été et on ne se voyait pas dire non. Donc ça fait une belle continuité, ça fait un beau nouveau projet pour le Salaise Blues Festival. Soirée gratuite ? Alors oui et non. Ça sera gratuit pour les personnes qui ont leur passe pour le festival. Par contre, ça sera une petite 20 centimes, tu m'as dit, c'est ça. C'est presque ça, avec quelques euros de plus. Non, ça sera 5 euros sinon la soirée. D'accord. Et ça sera gratuit, par contre, pour les moins de 18 ans. Et alors, nous aurons la chance de l'animer. Exactement, parce que nous sommes depuis quelques années partenaires. Ah bah oui, ça fait 4 ans maintenant. Ouais, des Salès Blues Festival. Et donc, et nous interviendrons dans ce challenge, déjà pour le présenter. Oui. Mais ensuite, on fera une sorte d'ersatz du Blues Café avec des interviews de chaque groupe dans les interplateaux. Tout à fait. Bah, ça fait maintenant 4 ans qu'on imagine des émissions Blues Café déportées à Salès. Et ça nous paraissait logique, dans la continuité de ce qu'on fait depuis 4 ans, de vous faire venir aussi sur ce challenge. Et on vous en remercie très chaleureusement. Et la programmation, alors voilà, les deux grosses soirées. C'est le jeudi soir maintenant, parlons du vendredi soir et du samedi soir. On a deux soirées, le vendredi soir qui est une soirée plutôt blues rock, qui va s'ouvrir quand même avec le groupe Mazingo qui sera la veille dans le challenge. Ah oui, il vient deux fois. Hein. Ils viennent deux fois et on a pu les découvrir à Cahors cet été, donc on est ravis d'ouvrir la soirée du vendredi avec eux. Et puis on enchaînera du coup avec Ghana Full qu'on a pu voir sur scène ici l'année dernière et on a été bien convaincus, donc on est ravis de pouvoir les accueillir sur le plateau du Salès Blues Festival. Et c'est une légende régionale. Exactement, donc on ne se voyait pas ne pas leur proposer de venir. Et puis l'immense Anna Popovic qui a accepté de revenir une nouvelle fois. C'est pas la première fois qu'elle vient à Salès, mais elle est ravie de pouvoir revenir dans une tournée française. Alors le vendredi, donc je récapitule, Mazingo, trio absolument fabuleux, avec la particularité qu'il a une contrebasse démontée qui monte lui-même. Il met une demi-heure à monter sa contrebasse, plier, elle est dans une petite valise, elle lui permet de prendre l'avion. Et c'est pratique. Ghana Full. Et Anna Popovic. Voilà. Et le samedi, belle programmation aussi. Et le samedi, là, on est sur une programmation un peu plus blues. Pas que, mais quand même. Mais on démarrera, ce que je disais tout à l'heure, avec les stages niveau 2 des Blues on Stage, qui nous proposent des prestations de plus en plus incroyables. Et on a des retours publics qui sont assez dingues à chaque fois qu'ils montent sur scène. Et puis, on enchaînera avec John Clery. Waouh, ça c'est énorme. Très grand pianiste de la Nouvelle Orléans. Exactement, nous on est ravis qu'il ait accepté de venir à Salès parce qu'il tourne pas beaucoup, il fait peu de concerts, donc qu'on puisse l'avoir sur scène à Salès, c'est vraiment... Je me demande si c'est même pas un one shot d'ailleurs. Je pense que c'est un one shot en France. Pour l'instant en tout cas, ça l'est, donc nous on est ravis. Et puis on terminera la soirée en beauté avec les Ciné Libre Brothers qui... Ouais, c'est monstrueux ça. Voilà. Donc, ceux qui n'ont pas vu les Cinelli Brothers une fois dans leur vie ne peuvent pas comprendre l'émotion et la fête qu'ils dégagent sur scène. C'est absolument monstrueux. Et c'était l'idée de finir justement le festival en faisant la fête. Donc avec eux, ça sera une évidence. Un site simplement pour que les gens puissent retourner voir la programmation. C'est le www.salesbluesfestival.fr et on peut prendre aussi vous pouvez prendre vos places dans la foulée sur ce site. Et rappelle les dates rapidement. Donc ça sera 4, 5 et 6 avril. Merci Laure, merci d'être venue nous voir. Merci beaucoup Laure. On revient avec Jean-Christophe des Strikers. Jean-Christophe, t'as jamais eu l'occasion d'aller jouer à Salès? Ah non, jamais. Eh ben, tu vois, c'est le moment là. Il faut que tu donnes, que tu sortes les cartes de visite. C'est avec grand plaisir qu'on y va à Salès. Alors revenons aux Strikers. Jean-Christophe, dans la setlist, on a remarqué du Gary Clark Jr. Ouais. De l'Albert Collins. Oui. Du Guy King, tu l'as annoncé d'ailleurs sur scène. Du Stevie Ray Vaughan. Oui, ouais. Oui, accessoirement. Oui, oui. Est-ce qu'on ne pourrait pas définir en fait la palette sonore des Strikers avec ces artistes-là? Blues, blues texan, Chicago blues, soul rock et blues rock. Oui. Alors, sauf Stevie Ray, où je mettrai une petite parenthèse, parce que je suis pas un malgré que je suis guitariste, je suis pas un aficionados absolu de Stevie Ray, même si c'est un mec génial. Mais, Stevie Ray, c'est un clin d'œil parce que c'est festif, parce que c'est cool, parce que c'est ce qui m'a fait venir à cette musique-là, en fait, à la base. Après, Gary Clark, c'est vraiment un artiste actuel, contemporain que j'adore, que ce soit en termes de compo, d'images qu'il dégage, de messages qu'il porte, etc. Voilà. Et Guy King, c'est un gars que j'ai eu la chance de rencontrer et qui est juste fabuleux. Alors, lui, il est à la frontière du jazz et du blues et il fait ça super, super, super bien, quoi. Il tourne trop peu en Europe. Il y a des compositions aussi qui sont signé par toi, et d'ailleurs je me faisais la réflexion quand tu les jouais, qu'on a du mal à identifier ce qui est une compo d'une reprise et tout ça, donc vous vous appropriez bien les compos. Le All Right et le Some of These Days que vous avez joué il y a un instant, de quoi ça parle ces titres-là? Some of These Days, c'est alors, il s'appelle Some These Days, qui est une faute absolue en syntaxe anglaise, mais en fait, c'est un hommage à un monsieur que j'aime beaucoup, qui est Charlie Patton, qui a écrit un morceau qui s'appelle Some These Days, avec l'illettrisme qui le caractérisait, okay. Mais c'est génial, je trouve. Donc c'est un hommage à lui, même si le morceau a rien à voir avec sa musique. Et All Right, en fait, c'est un morceau qui parle d'un mec en fait qui est au bout du rouleau et on lui propose de faire du sale boulot et il l'accepte parce qu'il a pas trop le choix en fait. C'est pas autobiographique ? Absolument pas celui-là. Ça peut arriver par contre dans un futur proche. Alors on a aussi à côté de toi, il y a Jocelyn. Ouais, partenaire karaoké. Le frappeur. Karaoké. Le batteur du groupe, on disait tout à l'heure que toi aussi tu avais une belle expérience, non ? Tu peux nous en dire un mot de tout ce que tu fais ? En dehors de la batterie, la cuisine, hein, on est d'accord. Voilà, et du karaoké. Et du karaoké. Et du karaoké. déjà parler effectivement de ce projet où je suis très content d'être avec JC, Eric et Julien, qui sont des... Effectivement, JC, on se connaît depuis longtemps. Et moi, ça a été aussi une évidence qui s'est créée effectivement dans l'humain et dans la musique, effectivement, qui ne peut pas, à mon sens, c'est inséparable pour produire quelque chose. Donc, au-delà des karaokés, c'était l'amour du blues. Cet amour, effectivement, moi, je viens beaucoup du... J'ai plus traîné dans le milieu du jazz depuis quelques années. J'ai eu l'occasion de faire les dernières années avec Lucky Peterson. Donc là, on est en plein dedans. Les dernières années, je bossais avec Ahmad Jamal, plutôt dans ce secteur-là. Et du coup, Lucky, c'était la même production. Donc, à un moment donné, Lucky m'a embarqué sur des concerts. On a joué au Sénégal ensemble, tout ça. Et revenir, du coup, à cette musique-là, qui est très, très proche. Enfin, je veux dire, c'est aussi indissociable. Moi, je suis très heureux, du coup, de jouer du blues avec Eric, avec JC, avec Julien aujourd'hui. On a quand même l'impression, finalement, que les Strikers, c'est avant tout un groupe de scène. Oui. Bah oui, parce qu'ils n'ont pas fait de disque en même temps. Non, déjà, ils n'ont pas fait de disque. Mais ils vont le faire, ils sont quand même vachement taquins dans cette émission. Moi j'aime bien venir, hein, mais les mecs sont taquins. Ils n'ont pas fait de disque, c'est un groupe. Ils ont des dossiers. Mais ils ne savent pas les dossiers qu'on a sur eux. C'est ça. Est-ce qu'on va les sortir maintenant ? Est-ce qu'on les sort, les dossiers ? Non, on n'est pas comme ça. Alors vite, la question suivante, alors. Non, c'est un groupe vraiment de s'éclater sur scène, parce que c'est une bande. Jocelyn, c'est un copain depuis longtemps et on se revoyait plus beaucoup parce que la vie fait que on est tous à 100 000 à l'heure tout le temps et on s'est revus dans le projet Little Mouse et du coup ça a été une évidence de quand on cherche un batteur pour les Strikers de se dire putain mais attends Joss il est là c'est voilà et donc du coup il y a l'humain, il y a Julien qui s'est greffé dessus qui est un mec super aussi et du coup ces moments humains faut les partager absolument sur scène et l'idée c'est d'envoyer de l'énergie et de la lave incandescente auvergnate sur scène. Une belle lave incandescente. On pensait que les volcans ont été éteints définitivement, mais non, ne le sont pas. Non, c'est pas fini. Eh bien, vous allez rejoindre la scène du Blues Café avec trois reprises, donc Feu d'Artifice, Gary Clark Jr., Albert Collins et Stevie Ray Vaughan. Donc on vous applaudit très fort, merci beaucoup. Merci à vous. Merci. On attend avec impatience votre EP, du coup on n'a pas eu tellement l'occasion d'en parler puisque c'est votre projet. The Strikers, ils sont sur la scène du Blues Café Live. Came on, Albert Collins, si des gens aiment bien Albert Collins ici, qui résume, je trouve, très bien la situation. Un morceau qui s'appelle If Trouble Was Money. My mama used to tell me, I swear, boy, you'll be a millionaire. If trouble was money, baby, my mama used to tell me, boy, I swear you'll be a millionaire. For you are about to war. I said for you, my baby, I'm about to war one time. I said for you, my darling, I'm about to war two times for you, my honey. And I got some money to spare. Se donne rendez-vous dans le Blues Café. Avec Cédric Vernet et Francis Rateau, l'émission concert en public au Millennium de l'île d'Abo. 100% blues. C'était ce soir le Blues Café du groupe The Strikers. On en profite pour remercier très chaleureusement toute l'équipe du Millennium qui nous accueille ici pour les Blues Café. Un grand merci également au studio Magneto qui remixe les émissions et à François Rosanciel qui vous permet de revoir les meilleurs moments sur YouTube. Un petit remerciement aussi à nos bénévoles qui gèrent le catering pour les artistes. Il faut toujours penser aux bénévoles. Et un grand merci à ceux qui sont sur la scène. Vous pouvez les applaudir. Jocelyn, Julien, Eric, Jean-Christophe. Et on ne va pas les laisser partir sans un dernier titre. Ciao, à bientôt. She's my sweet little baby, I'm a little lover boy. I said she's my sweet little baby, I'm a little lover boy. One more time. I said yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. I said oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. She's my sweet little baby, I'm a little lover boy. Well, you heard about love, gives such to the blind. My baby's loving, my baby's loving, cause the sun is shining, yeah. She's my pride and joy. She's my sweet little baby, I'm a little lover boy. Alright! I love my lady, heart and soul. Love the cause one never grow old. She's my sweet little baby. Tonnerre d'applaudissements pour Monsieur Jocelyn Hazard, la batterie s'il vous plaît. I love my baby, heart and soul. Love like a horse won't never grow old. She is my sweet little baby. She is my pride and joy. She is my sweet little baby. I'm a little lover boy. Venez assister à l'enregistrement en public du Blues Café au Millennium de l'île d'Abo. Dates et renseignements sur bluesactu.com. Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.